les petits loups, j'espère que ça va bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 559 sur RIG. Nous sommes le 19 avril 2023 et l'album de la semaine, c'est Cloud 9 de George Harrison en 1987. On écoutera Cloud 9, forcément. Il y aura au That's What It Takes, Just For Today, This Is Love, Someplace Else, When We Was Fab. Et à la fin, il y aura évidemment Got My Mind Set On You sur RIG. Il y aura également du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Ringo Starr, ce sera Call Me sur l'album Goodnight Vienna en 1974. John Lennon nous chantera Mind Games sur l'album éponyme Mind Games en 1973. Puis Paul McCartney nous fera une version futuriste venant du passé. Il disait « Plus personne ne sera en vie en 1985 ». Pratiquement 40 ans plus tard, on est toujours en vie. C'est pas toujours beau à voir, mais bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Et lui surtout est là, et ça tant mieux. Ce sera donc 1985, extrait de l'album Ben on the Run. Et puis les Beatles, on commencera par Hello, Goodbye. Voilà, c'est pour l'essentiel. On va être ensemble pour 2 heures et un petit peu plus, puisque Eric ne sera pas là ce soir. Mais juste un petit peu plus. On fait toute la séquence, toute la playlist jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est le petit topic qui est en haut, avec un George Harrison qui sourit, qui a des lunettes et qui est dans les nuages, plus ou moins. Puisque Cloud 9, c'est l'équivalent de 7e ciel pour nous les Français. Premier titre, Cloud 9 sur RIG. Have my love. It fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile, my heart, they even rose from the start. Pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. George Harrison, en 1982, nous fait un album un peu moyen, qui s'appelle Gontropo, et dans lequel il exprime plus ou moins qu'il en a marre du show business, qu'il a envie de prendre son temps, d'être dans son château et dans son jardin pour jardiner tranquillos. Et ben c'est ce qu'il va faire pendant 5 ans. Oui, on parle tout le temps de John Lennon qui s'arrête pendant 5 ans entre 75 et 80 pour profiter de son deuxième fils, ce qu'il n'a pas eu le temps de profiter du premier, Julian, un peu volontairement certainement aussi. Et là, lui, George Harrison, il en a marre du show business, c'est pas son truc. Donc il s'arrête. Quand il revient vraiment en nous surprenant tous, parce qu'il revient avec l'aide de Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra. Sur le disque, il y aura Elton John, il y aura son pote Eric Clapton, et il y en a d'autres, j'ai pas le disque sous les yeux, il y en a d'autres qui vont l'aider à faire un disque très très bon. Il sera propulsé bizarrement par la reprise, Got My Mind Set On You, mais il n'y a que du bon, que du bon, que du bon. Donc c'est ce qu'on va découvrir ce soir dans la saga des Fab Four. sommes en 1973. Et Mind Games offre un Lennon plus méditatif. Les guitares étant mixées avec une richesse quasi orchestrale qui nous ramène presque sur les terres d'Imagine. Et le territoire se fait réellement familier lorsque John prône une projection universelle de la puissance de l'amour. Si Mind Games fut l'une des compositions tardives les plus populaires de Lennon, il n'est pas pour autant absurde de supposer que la chanson aurait été encore meilleure si John s'était tenu à son idée première et l'avait appelée « Make love, not war », « Faites l'amour, pas la guerre ». C'était le refrain original. Il en reste une trace à la fin de la chanson, vous l'avez entendu. Lorsque John chante « I want you to make love, not war », et il dit même « I know you've heard it before », au lieu de « Mind Games Forever ». Il en avait abandonné l'idée, se disant qu'en 1973, ce slogan avait son heure de gloire derrière lui et que les gens le considéreraient comme un cliché. Lorsqu'il chante enfin, il ajoute immédiatement « Je sais que vous avez déjà entendu ça, c'est ce que je viens de vous dire ». Mais cliché ou non, « Make love, not war » aurait peut-être eu plus d'impact. Cette phrase, en tout cas, a une autre puissance émotive que le jargon psychologique qui l'a remplacée. John aimait dire que son refrain « Love is the answer », etc., était d'inspiration reggae, même si ni lui, ni ses musiciens ne jouaient dans ce style à l'époque. Rappelez-vous, 1985, sur RIG. un petit rappel comme ça, un petit clin d'œil à Sgt Pepper puisque Ben on the Run ouvre l'album et sur la fin de l'album, on revient à Ben on the Run. C'est un petit peu comme Sgt Pepper et Sgt Pepper reprise, non? Non, un peu, hein. J'ai pas dit que c'était complètement ça. Mais un petit clin d'œil, voilà. Et quelle belle chanson. Bref, on a écouté depuis le début George Harrison avec Cloud Nine, c'est l'album de la semaine, du même nom. Il y a eu également Ringo Starr, Call Me, en 1974 sur Goodnight Vienna. Mind Games ensuite, par Lennon, sur l'album Mind Games. Et à l'instant, 1985, sur Ben on the Run, par Monsieur Paul McCartney. Avant d'écouter les Beatles et Hello Goodbye, il faut que je vous enseigne, des fois que vous ne seriez pas au courant, la meilleure façon de tout savoir sur les Beatles. Pour savoir ça, il faut aller sur le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita, allez-vous me dire ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. You say goodbye. début des années 80, Ringo Starr avait fait une émission qui s'appelait Yellow Submarine, tiens, évidemment, sur les radios locales. Et il avait parlé de Paul McCartney en disant ce qui est fabuleux avec lui, c'est qu'il a l'air de composer une chanson d'une manière tellement simple. Vous dites, mais elle est facile celle-là. Et vous vous rendez compte 15 jours après que vous avez toujours la chanson en tête. Hello, Goodbye fait certainement partie de ces chansons-là, puisque elle paraît simple. Que des opposés, tu dis oui, je dis non, tu dis bonjour, je dis au revoir. Mais finalement, cette chanson, vous l'avez en tête. Ne me dites pas le contraire. L'album de la semaine, That's What It Takes, George Harrison sur RG. And now it begins to shine, and you find the eyes to see. Each little drop, the dawn of every day. Your smile, it comes back to me, and what then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. La production de Jeff Lynne dans la batterie qui est mise en avant, et surtout la façon dont les chœurs agissent, What It Takes et tout ça, c'est typique du style du producteur Jeff Lynne. Bien, vous savez que John Lennon avait l'habitude de parler de lui. McCartney, ça lui arrive moins souvent, même si ça lui arrive aussi. Et moi, de temps en temps, je parle un petit peu de moi, parce que aujourd'hui, 19 avril 2023, c'est l'anniversaire de ma sœur. Alors, je voudrais que tout le monde souhaite un bon anniversaire à Isabelle, qui est ma sœur, qui a un certain âge. Aujourd'hui, elle est plus âgée que moi. Je n'en dirai pas plus. Happy birthday, Isabelle. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no

find out, pop in the gas. The next song we did actually was When I'm 64, but that was one that harked back quite a long way. The one immediately after that was curiously allied to Strawberry Fields. It was Penny Lane. Penny Lane was a place that John knew about. So, you know, for me to just say I've got a song called Penny Lane, he knew exactly what I was doing. Similarly, Strawberry Fields, I knew about that from when I used to go and visit him when we were kids. It was the place right opposite him where he used to go and play in the garden kind of thing. So it was kind of a magical childhood place for him. And we transformed it into the sort of psychedelic dream. It's like everybody's magic place instead of just ours. We took them from being little localized things to made them more global. Strawberry Fields and Penny Lane didn't appear on the album was that Brian Epstein, their manager, was worried and said to me, the boys need a lift, they need a great single, what have you got? Well, I said, we've got two wonderful songs, let's issue them both. In those days, we didn't include single releases in albums, as we thought that was rather conning the public. One of the biggest errors I ever made. Bien, je vous traduis en gros, McCartney dit que Penny Lane, John Lennon savait d'entrée de quoi il allait parler. Ils se sont débrouillés pour faire que cette chanson soit un endroit pour tout le monde. Et George Martin rajoute, c'est Brian Epstein qui est venu et qui a dit qu'il était inquiet parce que ça faisait un petit moment, enfin je brode un petit peu dessus, ça faisait un petit moment que les Beatles n'avaient rien sorti, qu'il y avait besoin de sortir quelque chose pour le public. Et il a dit, est-ce que tu as quelque chose? Et George Martin a dit, oui, on a Penny Lane et on a Strawberry Fields Forever, voici pourquoi. Vous avez eu ça en dehors de ces deux chansons, en dehors de l'album Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Et puis, quand je vous sens frustré qu'on a le temps aujourd'hui, je vous repropose Penny Lane, mais dans sa version complète. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say, with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. The shelter in the middle of the roundabout, a pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train, and then the fireman rushes in. Penny Lane. Et l'album de la semaine revient sur le dessus du panier. C'est l'album Cloud Nine, sorti en 1987 par George Harrison. Voici un autre morceau. Un morceau, je trouve, qui ne ressemble pas à Harrison, mais qui est drôlement bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte quelque chose comme ça, aussi calme, aussi doux, et avec le piano en priorité. Just for today sur RIG. Just for today. I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. Paul McCartney here, and you're listening to RG. Widescreen Radio. You're always hollering back. spin. Wait for me. En 1988, Paul McCartney a eu envie de réenregistrer des titres de sa jeunesse, mais et aussi à l'ancienne, si vous voulez, c'est-à-dire tous ensemble dans le studio. On fait 2-3 répètes et on fait la chanson tous ensemble. Ce qui a donné cet album, vous pardonnerez mon très mauvais accent russe, Choba BCCCP, qui est paru en 1988 en langue russe et en vinyle seulement pour la Russie. Mais heureusement, à partir de 1991, c'est ressorti pour le reste du monde en CD. Moi, j'ai et le vinyle que je me suis procuré tout en russe en 1988, et forcément le CD, puisque vous pouvez l'entendre maintenant. Je vous propose d'y revenir, d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait rappeler que CCCP, je ne sais pas comment on le prononce, mais il me semble que Coluche disait coucou le coucou Paloma. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Allez, on revient avec un petit peu de rock'n'roll et de Paul McCartney de cet album-là. Ain't That a Shame. On entendra aussi la version de John Lennon juste après. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You're the one to blame, baby, blame, blame, blame, blame. Thank you.

extrait de l'album Choose Love en 2005 de Ringo Starr. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album McCloud 9 de George Harrison en 1987. Et le titre du morceau que je vous propose d'entendre, c'est tout simplement, c'est toujours en rapport avec l'amour, de toute façon c'est le message des Beatles, c'est sûr, c'est This Is Love sur RG. Du bouquin de George Harrison qui s'appelle I'm in Mine, au sujet de cette chanson-là, il dit « Normalement, je n'écris pas avec d'autres personnes. Mais Jeff et moi, on a travaillé ensemble pour trois chansons pour cet album Cloud Nine. This Is Love est l'une de ces chansons dont la plus grande partie vient de lui. D'un certain côté, ça ressemble aussi à une chanson à moi, à cause de la guitare slide, certainement. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, quand je travaille une chanson, la mélodie et les paroles sont ce que j'ai plus ou moins d'abord complété. Je pose les bases de la chanson. Et alors que, avec Jeff, on a plutôt fait attention à l'air, aux arrangements. Et on n'avait pas d'idée vraiment de ce que la mélodie ou les paroles allaient être. Quand il m'a apporté This Is Love, on avait le choix entre des versions différentes de la même chanson. J'ai choisi les morceaux qui me plaisaient et on a écrit des mots sur ce qui me plaisait. Mais il pouvait me présenter deux chansons, avec tout ce qu'il avait fait, deux chansons complètement différentes. C'est ça l'étonnement de la façon de travailler de Jeff Lynne qui est différente de celle de George Harrison. This song says, no matter who you are, c'est la cover. No matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody. Stand By Me par le groupe Playing For Change, superbe. People come and stand by me. And oh, Allen, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. You're right, Richie. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Cette version, vous la retrouvez maintenant sur la version deluxe de l'album Let It Be. C'est la version de John Glenn, le premier producteur qui aurait dû rester sur l'album qui devait s'appeler Get Back à l'origine et qui est devenu Let It Be à la fin. Comprenez ? L'idée de Paul McCartney pour cet album Get Back était de se rassembler à quatre, les quatre Beatles, et ne faire que ce qu'ils pouvaient faire comme si c'était en live quelque part. Un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'album CBCCCP, l'album russe de Paul McCartney, on se réunit ensemble en studio et on enregistre en une fois ce qui donnera la chanson. Donc là, c'était l'idée. Et d'ailleurs, il me semble que une partie de cette chanson-là a été utilisée pour l'album Nothing's Gonna Change Our World parce que on entend des femmes derrière. Est-ce que c'est pas ça ?

Ne bougez pas, John Lennon arrive dans la saga des Fab Four. Wow. le puissant torrent émotionnel qui traverse l'album Walls and Bridges en 1974 l'emporte parfois sur les capacités créatives de John. Pour maudire sa séparation d'avec Yoko, il ne peut trouver mieux ici que de lieux communs comme « On ne sait pas ce que l'on a jusqu'à ce que l'on l'ait perdu ». Il cite un rock de Little Richard, Rip It Up, qu'il reprendra lors des séances d'enregistrement de Rock'n'Roll quelques mois plus tard, lorsqu'il déclare « It's Saturday Night », c'est samedi soir, mais cette fois il ne s'agit pas de célébrer l'événement, plutôt que de retracer toutes les semaines qu'il a passées à boire pour oublier. Il hurle néanmoins son texte à gorge déployée alors que le groupe assure un solide funk années 70, et si What You Got n'était pas très inspiré au niveau texte, la chanson reste pleine d'émotions et j'aime beaucoup cette chanson parce que lorsque vous essayez de chanter avec John, je vous assure qu'à la fin de la chanson, vous n'avez plus beaucoup de voix. Yeah. des trois albums de Fireman sur RIG, alias Paul McCartney. Je réponds, mais je sais qu'il l'a mis exprès pour me taquiner. Il marque Rook sur Facebook, c'est pas McCartney, c'est The Fireman. Oui, c'est un alias de Paul McCartney. Je sais pas trop pourquoi il a voulu se faire appeler The Fireman. Il s'était bien fait appeler Percy Thrillington lorsqu'il avait sorti le 33 tours de musique d'ascenseur qui faisait la musique de Ram en instrumental. Donc lui, quand il a envie de s'appeler autrement, il le fait. Cependant, même si les deux premiers, le premier Fireman était difficile à écouter pour moi qui aime le rock principalement, le deuxième était déjà un peu mieux et le troisième dans lequel il a enfin décidé de chanter est franchement plus agréable à entendre. Et vous le savez dans la saga depuis le début, McCartney pour moi, les Wings c'est McCartney, The Fireman c'est McCartney. Comme ça, on abrège et on évite de se tromper dans les noms. D'accord, pour Traveling Wilburys, c'est un mélange de 4 ou 5 personnalités, parce que là, vraiment, c'était un groupe sans le moindre ego. Mais là, il y a un ego dans The Fireman et dans les Wings. C'est Paul McCartney, quand même. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckley's camp with my friend Rory. It was good for him. It was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling. I just couldn't stick around. I never let you down. Liverpool, en 2008, avait été nommé capitale de culturelle de la musique, quoi. Je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est pendant un temps. En tout cas, Monsieur Ringo Starr en avait profité pour sortir un album qui s'appelait Liverpool 8 en 2008. Donc, pas de problème. Et en plus, c'est une belle chanson. Allez, l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine. Alors attention, George Harrison, pendant pas mal de temps, alors lui, on peut le comprendre éventuellement, il a dit du mal des Beatles, parce qu'il se sentait trop serré dans les Beatles, parce qu'il avait réussi à avoir à gagner ses galons de compositeur, mais on lui laissait pas la place. Donc, il critique les Beatles, peut-être un petit peu. Mais en 1987, il leur rend hommage quand même avec When We Was Fab, un clip qui était d'ailleurs plutôt assez marrant, et Ringo Starr dedans. C'est sur RIG, c'est dans la saga des Fab Four, sur 90.7 si vous êtes dans la région de Bordeaux, sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Three, four.

Pendant les sessions de Rock'n'Roll, l'album qui sortira en 1975, cette chanson-là ne sortira que sur Men Love Avenue, en 1986, album donc post-mortem. Je vous rassure, si vous attendiez Johnny de A à Z, il n'y a pas de Johnny de A à Z aujourd'hui, mais il se rattrapera la semaine prochaine, Eric, c'est promis. Mais vous êtes bien sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h et un peu plus. Allez, dernier morceau de l'album de la semaine. Celui-là, on n'a presque pas besoin de le présenter. Got My Mind Set On You sur RIG. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set Good. Don't you think? Three cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. She's waiting for. deux petites chansons et on vous laissera libre jusqu'à la semaine prochaine. Voici Vertical Man en 1998, extrait de l'album éponyme Ringo Starr sur RG. That you've been looking through. It's really hard fall after all. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? As bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The better your man. Cette chanson aurait très bien pu figurer sur un album des Beatles sans aucun problème. Allez, la dernière. En principe, c'était celle-ci la dernière. Mais comme je savais qu'Eric n'était pas là, j'ai eu envie de prendre mes aises, on va dire. Et je voulais vous proposer absolument la nouvelle version de Now and Then, qui pourrait sortir comme ça et qui ferait certainement un tabac. Les Beatles. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait continuer jusqu'à minuit, c'est vrai. Mais c'était pas prévu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci à toutes et à tous. Merci d'être aussi fidèles depuis tant d'années. Je vous rappelle qu'on a, ça y est, on a franchi la 39e année. On démarre la 40e année qu'on fêtera en avril 2024. Dans un an. Donc à très très bientôt. Déjà la semaine prochaine, ce sera mieux. Allez, au revoir.